Et bonjour à toutes et tous, nous sommes mercredi, il est 13h et c'est l'heure de retrouver la chronique Autoconso. C'est la troisième chronique, toujours avec notre partenaire Triangle Autoconso. Alors depuis le lancement de cette chronique, on a déjà appris beaucoup de choses. On a parlé notamment d'électricité solaire, de panneaux photovoltaïques, des tarifs de l'électricité. Et puis on a aussi abordé l'isolation du logement et les aides possibles. Aujourd'hui, on va aborder deux autres sujets essentiels, le démarchage dans la rénovation énergétique, comment éviter les pièges, et puis le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique qui a désormais un véritable impact économique. Et avec moi pour en parler, ils sont là, ils sont présents, nos consultants, nos experts en la matière, Teddy et Julien. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour Marlène. Vous n'êtes pas venu tout seul aujourd'hui, vous êtes venu avec Jordan. Exactement, notre partenaire du jour sera Jordan, donc entreprise de Jésus Joly, une entreprise implantée localement à La Ville-aux-Dames. Bonjour à tous, je vous remercie de me recevoir pour cette émission radio, et bonjour Marlène. Bonjour Jordan. Alors on va tout de suite attaquer avec la première partie de cette chronique, à savoir le démarchage et comment éviter les pièges. Donc un sujet hyper important bien sûr, beaucoup d'auditeurs nous disent recevoir des appels concernant le solaire ou la rénovation. Ils entendent dire, par exemple, c'est l'État, voilà, on est un organisme d'État, votre maison est éligible, etc. Première question, du coup, Julien et Teddy, est-ce que l'État ou des organismes publics appellent réellement des particuliers pour proposer des travaux ? Alors déjà, c'était important, je reviens un peu en arrière, mais c'était important pour nous d'en parler, on l'évoque à chaque fois, mais le démarchage téléphonique, c'est infernal, et aujourd'hui, on va vous donner un peu les clés pour vous sortir de ça ou pour simplement repérer les arnaques potentielles. En ce qui concerne l'État, l'État ne fait pas de démarchage téléphonique. Les différents organismes d'État, comme l'ADEME, France Rénov, etc., n'appellent pas les particuliers pour faire du démarchage. Mm-hmm. Donc ça, il faut être très très clair là-dessus déjà. Et nous, on s'en est réellement rendu compte. En fait, aujourd'hui, on a énormément de particuliers qui sont démarchés. Alors, c'est tous les jours. Hein, nos téléphones sonnent à peu près 30 fois par jour. Et l'idée, c'est de garder un principe simple en tête. C'est qu'à partir du moment où vous n'êtes pas à l'origine de la démarche, il faut se dire qu'il y a un problème. Et si la promesse est trop belle, on vous appelle, c'est gratuit, c'est l'État, c'est RGE... La semaine dernière, j'avais encore exactement les mêmes principes. Et en fait, leur objectif, c'est de se déplacer chez vous. Et c'est toujours un commercial d'une entreprise qui existe depuis peu de temps, qui est souvent très éloigné d'ici, qui vient se déplacer avec une promesse toujours très forte. Hein. Votre isolation va rien vous coûter, vos panneaux solaires, c'est gratuit, vous payerez plus de facture d'électricité. Et en fait, si c'est trop beau, c'est forcément un piège. Et après, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a pas une population type qui se fait avoir. Il y a tout le monde peut se faire avoir. Ils ont des techniques qui sont rodées. Il faut se dire que vous, quand vous les avez chez vous, ça vous arrive une fois dans votre vie. Et eux, ils font ça 5 fois par jour. Donc, ils ont un discours qui est très rodé, qui est très bien fait. On va vous donner un peu les clés aujourd'hui sur comment l'identifier et comment faire en sorte de s'en protéger. Vous êtes toujours face à des gens qui sont très à l'aise avec leur sujet, qui ont, comme disait Teddy, un discours bien rodé et qui sont très doués pour ça, qui connaissent déjà toutes les clés, tout le discours contradictoire que vous pouvez avoir et qui sont là uniquement pour vous faire signer un document, contracter un crédit. Et ça, ça fait partie effectivement des pièges qu'il faut éviter, quoi. Donc quand on a un appel et qu'on nous dit « c'est l'État, vous ne paierez rien, les aides financent tout, votre facture va disparaître », on est d'accord que c'est impossible. Alors c'est impossible, une facture ça disparaît pas. L'État, il existe des financements, des aides, c'est vrai qu'il y a des choses qui existent pour la rénovation énergétique. Ça couvre souvent une partie des travaux, voire même dans certains cas un peu plus que ça, mais c'est toujours à vous d'aller les chercher ces aides. C'est pas, on vient pas vous les vendre au téléphone, encore moins. Ça part toujours d'un... Parce qu'au téléphone, ils sont relativement malins, ils sont dans le flou, on va se déplacer, voir si vous êtes éligible. Au téléphone, c'est... La promesse, elle est jamais... C'est jamais là qu'elle est la plus belle. En fait, la promesse, là où elle est belle, c'est au moment où ils sont chez vous et où là, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et vous n'avez rien d'écrit, tout est dit. Et là, vous êtes engagé. Nous, en fait, ça part toujours du même point. Vous faites une recherche sur Internet, alors peu importe, hein, pour des fenêtres, pour de... On en parlera tout à l'heure de menuiserie, mais... pour des fenêtres, pour une isolation extérieure ou des panneaux solaires. Et aujourd'hui, les 10 premiers sites internet sont des sites sponsorisés où c'est de la publicité avec des noms tous plus accrocheurs les uns que les autres. La France de la rénovation, voilà. Et en fait, quand vous cliquez, derrière, c'est une entreprise souvent en région parisienne qui vous appelle et qui vient se déplacer pour là vous promettre de belles choses. Des rendez-vous durent entre 2 et 3 heures. Et Julien... Il va pouvoir nous en parler, on s'en rend compte. Aujourd'hui, une fois qu'ils ont décroché ce rendez-vous, nos clients, quand on repart de chez eux, donc nous, on a à peu près un appel par semaine d'une personne qui pense s'être fait avoir, mais ces gens-là n'ont jamais conscience d'avoir signé quelque chose et ils ont toujours signé pour 25 000 euros de travaux avec un crédit sur 10 ans. Mais alors, comment ça se fait? Comment c'est possible? Parce qu'en fait, il y a plein de pratiques différentes. Déjà, lors de l'appel ou déjà à distance par mail, ils peuvent vous demander des informations sur vos papiers d'identité, vos relevés d'imposition. Et en fait, il y a plein de choses qui font qu'ils sont en train de monter un dossier de crédit. Donc, une fois que ces personnes-là se présentent à votre domicile, ils sont déjà équipés pour vous faire contracter un crédit. Et parfois, ça se passe même en signature électronique, donc par le retour d'un SMS, d'un code ou d'un mail. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous avez signé quelque chose, mais c'est bel et bien parti. Et il y a des phrases aussi qui permettent de conclure avec « bah écoutez, on va signer et on verra si ça ira au bout ». Et les gens signent, et en effet, ils n'ont pas signé pour savoir si ça allait aller au bout, c'est pour aller au bout. Vous voyez, c'est des petites phrases qui sont assez malignes. Le discours, il est très clair. Il est « on va tester votre éligibilité ». Oui, voilà, exactement. « Il y a un dossier sur trois qui passe, vous passez en commission. Si vous avez la chance de passer en commission, il faut saisir l'opportunité tout de suite de faire les travaux avec les aides qu'on vous propose. Sauf que vous vous retrouvez avec des choses qui sont souvent bien plus chères que ce que vous auriez en réalité comme résultat en passant par un artisan local. » Et vous vous faites avoir avec des fausses remises. Nous, le schéma, par exemple, dans le photovoltaïque, il est ultra simple. Vous faites une recherche sur Internet, vous recevez un SMS d'une entreprise donc, qui vous a appelé, qui vous dit « Voilà, votre numéro de dossier, c'est le BHV352F. Préparez votre avis d'impôt, préparez votre carte d'identité pour l'éligibilité. » Quand le vendeur est là, en fait, sur 2 heures, il vous retourne le cerveau, parce qu'ils sont franchement très, très forts. Donc, pendant 2 heures, il vous retourne le cerveau. Et puis, arrivé au bout de l'entretien, il vous envoie un code pour vous dire, voilà, pour vérifier que j'ai bien fait l'étude chez vous, pour valider qu'on s'est bien déplacé, donnez-moi le code. Et en fait, c'est une signature électronique. Oh, vous avez contracté un crédit, quoi. Et une signature électronique, elle a la même valeur qu'une signature papier, du coup, alors? Exactement. Ouais, juridiquement, ouais. Derrière, il est possible de s'en sortir tant que les travaux sont pas faits, c'est quand même le plus simple. Donc là, c'est de s'orienter le plus rapidement dès que vous avez un doute, non pas vers une entreprise, parce qu'encore hier, hein, Julien, en faisant quelques recherches, regarde un petit peu pour approfondir la chronique d'aujourd'hui et il tombe sur un site internet qui nous dit comment éviter les arnaques, mais qui lui-même est un site d'accroche pour des arnaques potentielles. C'est très fort. Donc c'est très très fort, c'est très malin, et puis c'est des faux avocats. Je cherchais une vidéo traitant du sujet sur YouTube. C'est une pub de YouTube. Donc c'est assez fort. Aujourd'hui c'est simple, faut pas hésiter. D'ailleurs je crois qu'ils font une chronique sur Radioactive à se tourner vers l'UFC Que Choisir. C'est une association de consommateurs qui est très présente. Nous, on les oriente beaucoup vers eux. Hein. Peu importe, ils sont là, ils ont un regard extérieur, ils vont pouvoir, travailler, avoir aussi un peu plus d'impact. Parce que c'est vrai que quand c'est l'UFC Que Choisir qui commence à rédiger les courriers, derrière, c'est des entreprises qui ont peur de se faire signaler. Il y a Signal Conso pour faire des signalements à DGCCRF, ça marche aussi bien. Et surtout, refuser impérativement la pause, tant qu'ils vont mettre la pression, mais tant qu'ils n'ont pas posé chez vous, ils ne débloqueront pas le financement. Donc voilà. Et nous, dans le photovoltaïque, on a une petite association qui marche aussi très très bien, enfin une petite qui est quand même au niveau national, le GPPEP. Ils sont spécialisés dans le photovoltaïque et c'est des bénévoles, ils font un super travail. Et tu peux les retrouver où? Sur Internet? Sur Internet, faut taper GPPEP ou UFC Que Choisir, on mettra en description leur réseau, je pense. Sans aucun souci. Oui, tu parlais de pression commerciale, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des opérateurs qui vont dire les aides s'arrêtent demain, il faut absolument signer aujourd'hui. Si on fait jouer une entreprise sérieuse, elle ne fonctionnera pas comme ça. En fait, il y a des moyens de pression psychologique, notamment sur les aides, ça s'arrête demain, c'est en train d'être voté, les aides vont réduire, il faut signer absolument maintenant, sinon vous n'allez pas pouvoir en bénéficier, etc. Donc tout ça, c'est des moyens de pression qui font que vous pouvez être susceptible de signer un document même sans trop le vouloir. Et effectivement, on va droit dans le mur, quoi. Tant que c'est pas posé, ce que disait Teddy, tant que le matériel est pas à domicile, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Après, c'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Exactement. Après, il y a pas beaucoup de solutions pour s'en prémunir. C'est un, déjà être à l'origine de la démarche, éviter de remplir tout un tas de formulaires sur Internet, ne pas hésiter à aller vraiment sur le site de l'entreprise qu'on a identifié comme étant une entreprise locale pour... Avec une adresse physique, notamment. Et puis se déplacer, voir si l'entreprise existe bien, prendre un petit peu le temps, parce que ça va très très vite et tout le monde peut se faire avoir. Est-ce qu'ils ont réalisé des chantiers proches de chez vous? Aller voir. Alors les avis aujourd'hui, nous on le voit, ça veut plus dire grand-chose malheureusement. Et puis, pas de pression à la signature, qui vous remettent un devis, qui est pas une obligation de signer parce que réellement. Ça, c'est très important. Plus le devis est détaillé, plus l'entreprise est transparente. Très globalement. Bien. Nous, on voit, on va chez des clients de temps en temps, ils ont juste un truc écrit à la main sur un bout de papier. Ils n'ont absolument aucun document. On leur a présenté de base un très beau site internet. Alors c'est pareil, je reviens sur le site internet, mais quand on clique sur un truc qui s'appelle France machin, rénovation nationale, aide de l'État, etc., tout ce qui finit pas par .gouv, oui. .fr, déjà c'est à éviter. Mmh. Et puis vous tombez sur un site où il y a des beaux drapeaux français, vous avez une belle Marianne en fond, et sur les catalogues qu'on vient vous présenter une fois qu'on est à domicile, vous avez la même chose, avec tout est fabriqué en France, tout est absolument magnifique, les catalogues ils sont très très bien montés, ils sont très jolis. Tout en beau papier, etc. Par contre, on ne vous laisse absolument rien. Quelqu'un qui vient chez vous, qui fait pas le tour, qui prend pas de mesures, qui regarde pas les différentes contraintes techniques liées aux travaux futurs, qui vous fait pas un devis détaillé ou qui vous présente pas un devis très détaillé, effectivement, déjà, il y a des questions à se poser. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on a voulu faire cette émission de radio. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans locaux qui souffrent de ces pratiques. Comprend. Parce que quelqu'un qui veut remplacer ses fenêtres, qui fait une recherche sur Internet, plutôt que de tomber sur l'artisan local, il va tomber sur l'entreprise qui a le plus payé pour apparaître. Oui. Alors ça, pourquoi c'est pas mieux encadré, ça, justement? Je pense que ça, c'est du Google Ads. Pour faire assez rapide, c'est celui qui paye le plus qui va être mis le plus haut possible. Ouais. Donc en fait, c'est commercial, hein, donc il n'y a pas d'encadrement. Ouais. Et nous, voilà, on avait à cœur aussi, en faisant cette émission, de remettre les artisans locaux au centre du jeu et de eux les mettre en valeur. Et parce que c'est des gens, voilà, qui s'investissent beaucoup dans leurs entreprises, qui mettent toute leur vie, énormément de temps, énormément de passion aussi. Et donc, il y a qu'en passant par un artisan local que vous aurez un vrai savoir-faire, une vraie réalisation, et en témoignera. Du coup, Jordan, qui représente aujourd'hui l'entreprise de Jésus Joli, qui est implantée depuis plus de 40 ans sur le secteur. Et 42 voilà, ans. Il me disait tout à l'heure, en rigolant, on a des clients qui sont clients depuis 10-15 ans, ils viennent parce qu'il faut changer les piles de leur télécommande. Mais c'est ça l'accompagnement ça la proximité aujourd'hui. Oui, voilà, du coup, en fait, ce qu'on perd quand on parle des artisans locaux et des arnaques, le problème, c'est la confiance, parce que du coup, les gens ont plus confiance en personne. Bien sûr. Les consommateurs cherchent à avoir des personnes fiables en face d'elles. 8 fois sur 10, dans certains secteurs d'activité, en tout cas, c'est pas le cas. Mmh. Donc, faut faire confiance aux locaux toujours. Et garder cette confiance dans le commerce de proximité. Si ce n'est une question de service après-vente aussi. Ouais, une entreprise locale, quand elle doit intervenir à 2 heures de chez elle, c'est déjà plus compliqué. Eh bien, merci pour tous ces conseils très concrets. On va justement, juste après, parler de rénovation avec un terme qui revient souvent, c'est le DPE. Et notamment répondre à la question d'un auditeur. Mais avant ça, je vous propose d'écouter Feu Chatterton, validé par Julien qui les a vus en concert. Ouais, on très, est d'accord. Très bien. Très, très bien. C'est Compagnon sur Radioactive. C'est pas grave. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon des mauvais jours, que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil vif, il faut ménager son gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer, au bord de la mer. Chatterton, compagnon de retour dans la chronique Autoconso avec notre partenaire Triangle Autoconso. Nous avons Teddy, Julien et Jordan aujourd'hui autour de cette table. Une première partie qui a été consacrée au démarchage et comment éviter les pièges. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à réécouter le podcast sur la page Facebook et le site Radioactive. Dans cette deuxième partie, on va évoquer le DPE et on va essayer de comprendre son impact réel. Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. On voit cette fameuse étiquette de A à G, mais on ne sait pas toujours ce que ça signifie réellement. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que mesure concrètement ce DPE, les garçons ? Alors le DPE, c'est ni plus ni moins que la carte d'identité du logement. L'idée, c'est d'avoir une vue très rapide quand on veut acheter ou louer un bien, de savoir un petit peu à quoi il va ressembler ce logement quand je vais être dedans. Alors on mesure pas du tout le confort, mais on va mesurer sa classification donc énergétique par une lettre qui va de A à G. Donc A est un logement plutôt très performant et G étant un logement très énergivore. On va avoir, c'est nouveau depuis 2021, une estimation des consommations d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète un bien, on connaît le prix. Quand on loue un bien, on sait ce que ça va nous coûter mensuellement. Mais sur les consommations, ça peut aller du simple au triple. Et c'est pas forcément un budget qu'on a pensé à anticiper. Donc là, on aura une estimation des consommations aujourd'hui qui est plutôt proche de la réalité et qui tend à être de plus en plus proche. Et une estimation des émissions de CO2. Donc c'est ni plus ni moins que la carte d'identité du logement. C'est un document qu'il faut prendre le temps de lire. On a énormément d'informations dedans et ça nous aide aussi à mieux anticiper ces budgets pour la suite. On parlait dans la dernière émission, enfin, je qualifiais ça un petit peu du Nutri-Score de son habitat. C'est un peu l'idée, en fait. C'est exactement ça. Ouais, effectivement, en fait, le DPE, bah, c'est voilà, on disait que avant 2021, on se basait sur les factures d'énergie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus précis le DPE qu'il y a quelques années. On va vraiment voir au niveau des matériaux, de l'isolation. On en a un petit peu parlé la dernière fois sur la dernière émission, mais isolation des combles, des murs, les menuiseries, le type de chauffage, etc. La ventilation. Exactement, la ventilation. Donc, c'est une analyse globale technique du bâtiment. Vous trouvez une lettre qui fait pas toujours plaisir. Des fois, quand on a le résultat du DPE, quand on souhaite vendre sa maison, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça apporte une vraie plus-value au logement, quoi. Exactement. Et comme le disait Julien, avant 2021, on se basait sur les consommations d'électricité. Donc là, on reflétait peu la réalité parce que quelqu'un qui chauffait au bois, qui passait par exemple 10 terres et qui disait au diagnostiqueur, j'en ai passé 3, la lettre, elle changeait. Donc c'était c'était relativement peu précis. Là, on a gagné en précision et bon, c'est des modèles qui sont toujours amenés à s'améliorer. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un relevé des matériaux, hein, paroi par paroi, pour indiquer au logiciel qu'est-ce que j'ai, les épaisseurs d'isolant. Et aujourd'hui, les diagnostiqueurs sont formés à ça. Donc, on a quand même une carte d'identité qui est de plus en plus précise. Et l'estimation des consommations, elle est en plus plutôt large. Donc, on peut toujours se retrouver dans la fourchette au moment où on commence à avoir ses factures d'électricité et aussi à bien anticiper. Parce que quand on appelle EDF et qu'on dit « voilà, je veux être à 150 € par mois », on le sait et on évite quand même les mauvaises surprises. Et du coup, on peut plus, entre guillemets, cacher la misère. C'est-à-dire que on est obligé d'avoir aujourd'hui de présenter des factures si on a fait des travaux. On est obligé de montrer les matériaux qu'on a utilisés lors de ces travaux pour indiquer au diagnostiqueur que on a fait les bonnes voilà. Ouais, les bonnes rénovations. On a fait les bonnes rénovations avec les bons matériaux et dans le bon sens, quoi. Parce que vous sous-entendez qu'il y avait de la triche sur le DPE? C'était plus simple, hein, notamment par les consommations. Je pense qu'il était imprécis. Et que on pouvait dire, avant on testait pas, on pouvait taper sur un mur et on pouvait dire, ah bah non, mais celui-là il est isolé, c'est bon. Et puis finalement j'ai pas mis de chauffage pendant 6 mois. Du coup, j'ai payé moins cher d'électricité. En fait, du coup ça se reflète et je vais avoir une meilleure lettre. Aujourd'hui, on peut plus passer à travers. On a nous rencontré des gens où en fait ils se sont aperçus que les propriétaires une année avant la vente avaient drastiquement baissé leur facture d'électricité pour améliorer le DPE. Ah ouais. Et en fait, avant c'était pas une voilà la loi était faite comme ça. Avant 2025, le DPE n'était pas opposable. C'est-à-dire que c'était plutôt un document informatif. Depuis 2025, c'est devenu un document opposable. C'est-à-dire que si vous achetez un bien qui est classé en C et que vous avez vraiment un doute, il y a pour vous une erreur, un mensonge, vous avez le droit de faire remonter l'information et d'aller plus loin pour avoir le fin mot de l'histoire. Parce qu'en fait, il y a quand même un enjeu derrière. Mmh. Aujourd'hui, la Chambre des notaires de France estime qu'un bien classé en A se vend à peu près 16% plus cher qu'un bien classé en D. Pour faire simple, une maison à 250 000 € en classe énergétique D se vendra plus aux alentours des 290 000 € en classe A. Donc voilà, c'est il y a quand même un impact qui est non significatif. Donc de rendre ce document opposable et plus précis avec des relevés techniques, on apporte aussi de la fiabilité. Et encore une fois, c'est lié au sujet avant, de la confiance. Et voilà, aujourd'hui, quand on achète, il y a beaucoup de primo-accédants. Quand on a eu sa première maison ou sa première location... Oui, ça a échaudé. Exactement, on a moins de mal à se rendre compte. Mais c'est vrai que demain, quand on fait aujourd'hui, une maison à acheter, c'est très onéreux. Et quand on fait un prêt immobilier, souvent, on se base par rapport à ses revenus, mais on peut en oublier la partie consommation. On peut se retrouver à être travaux et consommation. Ouais. Et on a un résultat qui est donné entre la lettre A et D, parce que finalement, la lettre D, elle est classique, j'ai envie de dire, sur tout logement en rénovation, de base, avant travaux, on est souvent en D, quoi. Quelque chose qui a été rénové il y a 20, 25 ans, c'est une lettre qu'on va avoir assez fréquemment. On trouve un peu d'énergie renouvelable dans un... Exactement. Ouais, à partir de C, ouais. De la pompe à chaleur. Mais est-ce qu'un mauvais DPE, ça signifie forcément de l'inconfort dans son logement? Ça signifie surtout beaucoup de dépenses, finalement. Ça signifie beaucoup de dépenses et souvent une surconsommation d'électricité ou de chauffage est quand même liée à un inconfort. Parce que si on doit beaucoup chauffer, donc le DPE, hein, ça veut dire qu'on a... Notre maison se rapproche de la passoire énergétique. Le chauffage est là pour apporter autant d'énergie que la maison en perd. Et on va forcément perdre en confort. Plus le DPE et la lettre est mauvaise, plus on va perdre en confort. Pour vous donner un ordre d'idée, notre température nous ressentie du corps, c'est la moyenne entre la température de la pièce. Donc par exemple, dans une pièce où je suis à 20 degrés, je peux avoir une température ressentie à 15 degrés si j'ai des fenêtres en simple vitrage et le vitrage est à 10 degrés. Donc c'est vraiment la moyenne entre la température de la paroi la plus proche de moi, donc si je suis à 50 cm devant une fenêtre, on est à table, on est en train de manger tous ensemble, ouais. Et 20 cm dans la pièce, et potentiellement 20 degrés dans la pièce. On l'a tous déjà vécu, ça. Ouais. Ouais, et puis voilà, s'il y a une mauvaise ventilation, on peut avoir des moisissures qui apparaissent. Si les choses ont, même des choses qui n'ont pas été bien posées ou bien faites selon les règles de l'art, ça peut amener de l'inconfort. Souvent, effectivement, la lettre la plus basse est liée quand même à un inconfort et en plus à des surconsommations et des factures qui vont exploser. C'est souvent lié, oui. Ouais. On comprend aisément que le DPE influence désormais fortement les négociations. Est-ce que si un logement est mal classé, par quoi on commence? Par regarder son DPE. Les, quelles sont les préconisations de travaux à réaliser, et après on en revient au sujet qu'on évoquait la dernière fois, faire appel à un mandataire MaPrimeRénov, donc directement pour refaire une estimation. Si on est vraiment sur une classification en F ou en G, on peut envisager une rénovation globale plutôt que de l'envisager poste par poste. Et après, le DPE donne quand même une très bonne indication. On a, voilà, en changeant ça, vous pourrez, en changeant par exemple l'isolation des murs, vous pourrez gagner une LED, deux LED. Donc c'est vraiment une carte d'identité. Il y a aussi des conseils sur quelles sont les rénovations à mener en priorité. Mmh. Et après, voilà, avec MaPrimeRénov, les accompagnateurs Rénov, ouais, il y a la possibilité de se faire aider et de rentrer un petit peu dans le détail. Le tout, c'est pas de se précipiter dans une rénovation. Très bien. L'accompagnateur Rénov, en fait, il va s'appuyer aussi sur ses conseils dans le DPE, puisque il peut y avoir aussi des choses qui ont déjà été faites dans la maison. Une rénovation qui a déjà été partiellement effectuée, on pense souvent aux combles qui sont faits en premier. Et après, bah, il y a des conseils qui sont présents dans le DPE, qui sont affichés, qui sont visibles par tout le monde, sur lesquels les artisans ou l'accompagnateur Rénov va s'appuyer. Très bien. Merci beaucoup, encore une fois, pour tous ces éclairages très précis. Merci beaucoup, les garçons, pour ces conseils toujours très pertinents. Alors, vous êtes venus aujourd'hui, on l'a dit et on l'a entendu intervenir à plusieurs reprises dans le courant de cette chronique, vous êtes venus avec Jordan de l'entreprise de Jésus Joly. Il y est chargé d'affaires. Donc, dans cette dernière partie d'émission, vous nous ferez découvrir votre invité. On prendra le temps de le cuisiner pour lui poser toutes les questions qu'on a lui posées. En attendant, on veut du soleil sur Radioactive, on écoute au petit bonheur. Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Dans ma mémoire, je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpins. Je lui soleil. Je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil. Ah ah ah ah. Je lui soleil, tu sais, allez, joue, joue. Je veux faire danser maman au son clair des grillons. Mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie, que l'on est resté des mondes bien au fond de nos abris. Je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil, rien que du soleil. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman. J'aime raconter des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je lui soleil dans ma mémoire. Je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil. Rien que du soleil, je veux du soleil. Rien que du soleil, je veux du soleil. Petit bonheur, je veux du soleil sur Radioactive. Vous êtes toujours avec nous dans la chronique Autoconso avec nos experts du photovoltaïque de Triangle Autoconso, nos partenaires Teddy et Julien. j'ai même envie de dire nos consultants en énergie renouvelable. Voilà, vous êtes toujours là présent sur cette chronique auto-conso. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec Jordan. Jordan, qui donc est chargé d'affaires dans l'entreprise de Jésus Joly. Alors, je vous laisse nous présenter votre invité. Alors oui, en effet, sur chaque émission, on met à l'honneur un invité, une entreprise locale, donc pour faire le lien avec la première partie, implantée localement depuis des années. Et aujourd'hui, on reçoit donc Jordan, chargé d'affaires dans l'entreprise de Jésus Joly. Depuis, est-ce que tu peux te présenter, Jordan, et depuis combien de temps existe l'entreprise de Jésus Joly? Donc moi, c'est Jordan, je travaille chez de Jésus Joly depuis 2 ans en tant que chargé d'affaires, comme le disait Marlène. Et l'entreprise donc de Jésus Joly a 42 ans d'expérience sur le 37. Et on a une grosse activité qui est le portail fer, d'ailleurs qui est très connu dans la région. Donc on a notre propre atelier. Et avec les années, on s'est diversifié. Donc aujourd'hui, on est capable de réaliser aussi de la menuiserie, alu, bois et PVC. Tout ce qui va toucher à la partie volet, battant, volet roulant. Et un peu plus récemment, je dirais 2-3 ans, on s'occupe aussi de tout ce qui est pergola bioclimatique et carport. Et carport solaire aussi en collaboration avec Triangle Autoconso. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des entreprises sérieuses dans ce domaine-là pour collaborer. L'entreprise de Jésus Joly a quand même une identité forte dans la région et on a voulu travailler vraiment avec une entreprise qui avait les mêmes valeurs que nous. Et après 2-3 pauses, on a décidé de travailler exclusivement avec eux pour ce type de pause. Et qu'est-ce qui vous différencie? Quelles sont les forces de l'entreprise de Jésus Joly? Est-ce que vous faites tout le travail en interne? Est-ce que vous avez des spécificités particulières? On a vu donc le portail fer, ça c'est les portails que l'on voyait un peu de nos grands-parents, vraiment. Oui, c'est ça, c'est les portails, on dit vulgairement ferronnerie, mais en fer forgé avec des belles volutes, de la fer de lance. Donc ça, c'est vraiment ce qui a fait connaître l'entreprise de Jésus Joly, parce qu'on était serrurier de métier à la base. Et pour rebondir avec ce que tu dis, c'est ce qui fait notre force, parce qu'aujourd'hui, on est capable de réparer. C'est peut-être tout bête à dire, mais il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui savent réparer, et on est appelé pour des petites réparations qui, derrière, nous amènent des gros chantiers, parce que les gens se rendent compte qu'on est une entreprise sérieuse et qu'on est capable de réparer avant de tout changer. Vous êtes capable de réparer du fer forgé? Ah bah oui, complètement, hein, fer forgé, mais aussi même on est capable de redresser de l'alu, on est capable de faire du changement de quincaillerie en PVC. En fait, contrairement aux entreprises, alors le but c'est pas de cracher sur tout le monde, il y a encore de très belles entreprises, heureusement, mais aujourd'hui vous avez un problème, la plupart des gens vont vous dire « c'est mort, faut changer ». Nous on essaye vraiment de trouver d'où vient le problème, et si on peut commander la pièce, de la commander pour pouvoir faire la modification. C'est vrai que c'est devenu rare aujourd'hui, et en plus écologiquement ça fait sens de se dire que quand on a une poignée de porte, quand on a j'ai reculé dans mon portail, j'ai... on en a beaucoup. Ouais. Et en fait c'est vrai qu'on sait pas qui appeler, et moi ça m'est arrivé dernièrement, je commence à passer des coups de fil et je me dis mais en fait personne va se déplacer, et on a pu du coup travailler ensemble, et c'est vrai que c'était pour une bricole, mais je m'en souviens, je me dis que si jamais demain j'ai à faire des travaux, je sais quelle entreprise m'a dépanné, et alors que j'étais pas encore client, donc ça c'est vrai qu'aujourd'hui c'est bien que ça se sache, et souvent quand on en a appelé 2 ou 3, on se dit bon bah personne voudra remplacer, mais il existe encore sur notre territoire des entreprises qui ont cette culture de retravailler, parce qu'ils ont la maîtrise des matériaux, le fer, l'acier, l'alu, voilà. Tu vois, juste pour une bricole, c'est là où du coup tu te dis qu'il y a une entreprise qui fournit du service et à qui tu vas pouvoir faire confiance pour d'autres travaux, d'autres chantiers. C'est que les bricoles n'intéressent plus personne. Aujourd'hui, vous appelez un charpentier pour une fuite, c'est compliqué de trouver. Et c'est un peu pareil, nous, dans notre domaine. Vous avez un bout de portail fer qui est tordu. Ah oui, c'est du boulot, parce qu'il faut déposer le portail, il faut l'amener à l'atelier, il faut le retravailler, il faut le renvoyer en thermolaquage, il faut le faire venir à l'atelier, le reposer. Donc, c'est un coût. Mais on a beaucoup de portails aujourd'hui dans la région qui sont historiques, qui ont une valeur familiale. Et c'est ce qui fait notre force de pouvoir, en fait, perdurer ce... Et sur le neuf, vous fabriquez tout à l'atelier? Alors, vous avez un atelier où vous faites... Le but, c'est au tout début, quand on avait commencé le portail fer, on a voulu se diversifier, donc on a fait de la menuiserie alu, de la menuiserie PVC, portail PVC aussi. Sauf que, comme pour beaucoup, se diversifier, c'est bien, mais quand on fait trop de choses, après, on s'y perd un petit peu. Et c'est une question aussi de rentabilité, de vouloir tout faire, on a perdu en rentabilité, donc après, on s'est redirigé sur des fournisseurs, pareil, français, qui collait à notre identité pour pouvoir proposer d'autres services, donc les menuiseries en font partie. Oui, l'idée c'est d'avoir l'expertise de chaque fabricant dans son domaine d'activité, mais sélectionné par vous, et pas prendre forcément le fournisseur le moins cher, mais celui qui sera le plus adapté en termes de rapport qualité-prix. C'est une question de volume. Aujourd'hui, nous, on fait beaucoup de portails fer parce qu'on a cette identité, ce savoir-faire. Si vous faites 100 portails fer dans le mois, c'est rentable. Si vous faites que 10 portails alu, on va plus être rentable. Alors qu'en passant par un fournisseur qui, lui, fait beaucoup de volume, en fait, on se retrouve à un équilibre où vaut mieux passer par un fournisseur qui, lui, va avoir du volume et une meilleure rentabilité. Et en fait, on est plus attirant sur le prix en passant par des fournisseurs sur d'autres matériaux. Et du coup, ça vous permet de garder votre identité et votre savoir-faire au niveau du portail fer. Exactement. Et de proposer aussi de la menuiserie, comme n'importe quelle entreprise, et d'assurer aussi les volumes. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire tout ce qui s'ouvre et qui se ferme vulgairement dans une maison via des fournisseurs ou par l'entreprise de Jésus Joly directement. Mais vous avez aussi une expertise, on en parlait la dernière fois ensemble en préparant cette émission. Vous aviez eu un cas un peu particulier d'une maison où la porte d'entrée, c'était une personne avec un handicap, où il fallait que la serrure soit ultra spécifique. Enfin, c'est une demande très spécifique à laquelle vous avez pu répondre. On n'en a pas tous les jours, mais quand on en a, il faut savoir y répondre. Et c'est vrai que c'est très technique et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des fournisseurs qui, eux, ont plus souvent le problème pour pouvoir y répondre. Donc là, pour faire rapide, c'était un monsieur qui était en situation d'handicap et qui n'avait pas possibilité de manipuler soit une clé, soit une télécommande. Donc, il fallait qu'il puisse, lui, arriver devant sa porte et que la porte s'ouvre toute seule. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Donc après, avec un échange auprès du fournisseur, et puis il y avait, je crois que c'était la MDH, il avait fait une demande pour une prise en charge. Donc en fait, on s'est mis en collaboration avec tout ce beau monde et on a pu réaliser... cette porte d'entrée qui s'ouvre par magie. Oui, c'est ça, j'étais en train de me dire, c'est quoi le moyen final? En fait, c'est un système de badge, donc c'est une porte qui est domotisée, on la branche électriquement, et il y a un peu comme un code vigique, tu sais, quand tu viens dans un appartement, tu as un système de badge. Et en fait, quand le client s'approche de ce badge-là, ça lui fait une ouverture de la porte avec un système de bras qui est intégré dans la porte, qui permet d'ouvrir et de refermer. Okay. Oui, c'est pas comme un magasin. Moi, si je passe devant, elle va pas s'ouvrir. Non. D'accord. Non, c'est très. Sinon, c'est pas pratique. Hein. Mais c'est un très beau projet. Est-ce qu'on a précisé que De Jésus Joly était à Montlouis-sur-Loire? Alors non, parce que c'est à la ville aux dames. C'est pas à Montlouis, c'est pour ça qu'on l'a pas dit. Mais tu m'as dit Montlouis tout à l'heure. Alors nous, Triangle Autoconso, du coup à Montlouis. Ah, j'habite à Montlouis, c'est pour ça. Ah, t'habites à Montlouis, alors je vais la refaire. Est-ce qu'on a précisé que De Jésus Joly était à la ville aux dames? Eh bien non. On est à la ville aux dames, derrière le Leclerc. Ou alors devant le Leclerc, ça dépend comment on se place. Mais dans la zone Fougerolles. Okay. Et vous avez un showroom. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Ouais, voilà. Ils ont un très beau showroom qu'on a été visiter avec Julien, avec justement beaucoup de choses d'exposées. Et c'est vrai que ça permet aussi de se rendre compte un peu l'esthétique des portes, le toucher. Enfin, c'est important. Ça vous a donné envie de changer votre portail? Oui, tout à fait. Eh bien, on tu passeras au showroom. Non, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis. T'as dit, c'est important parce qu'aujourd'hui, mais je pense que vous le voyez aussi dans le solaire, un panneau solaire n'est pas un panneau solaire. Il y a plusieurs marques, il y a différentes. Enfin, je vais pas rentrer dans le sujet parce que je m'y connais pas aussi bien que vous. Mais un portail n'est pas un portail parce que vous allez avoir différentes gammes. Vous allez avoir des gammes qui vont venir du Portugal, de Chine, des gammes françaises. Et un petit point qui est très important, je pense, à dire pour les auditeurs, c'est que vous allez avoir deux types de thermolaquage. Donc, le thermolaquage, ça va être la couleur de votre portail. Comment il va être teinté. Et en fait, vous avez du classe 1 et du classe 2. Et ce classe 1, il a un intérêt parce que ça va être la durée de vie de la couleur de votre produit. Je vous le fais rapide. Si par exemple, vous prenez un portail rouge, en classe 1, au bout de 3, 4, 5 ans, il va devenir rose. Il va blanchir. Et pareil sur un 7016, la couleur qu'on voit beaucoup, l'anthracite. Oui, le gris anthracite. Donc on voit beaucoup. Quand vous voyez un portail ou une porte qui va blanchir, qui va s'éclaircir, c'est parce que vous êtes en classe 1. Et bon, quand on fait un projet, on a envie que ça dure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, De Jésus Joly, on a fait le choix de travailler avec du produit français classe 2, ce qui fait que vous avez des garanties de 20 à 30 ans sur la couleur, ce qui permet de voir un petit peu plus loin. Oui, c'est vrai que c'est en fait la garantie de bonne tenue dans le temps, elle est très importante, parce que quand on achète la porte, elles peuvent toutes se ressembler, mais il n'y a que dans le temps qu'on verra quel était le bon produit. C'est presque dommage que le portail ne soit pas jaugé dans le DPE, du coup. Ouais, non, c'est autre chose, mais c'est vrai qu'un beau portail plein ou ajouré, fer de lance, avec une couleur sympa, enfin, on est dans la région qui s'y prête, quoi. On a tous pas loin de chez nous des châteaux, des manoirs, des grandes demeures, avec des portails qui nous impressionnent. Mais encore des artisans qui font ça, c'est quand même top. Ça revient à ce que vous disiez avec les arnaques, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui a 40 ans va être forcément plus sérieux parce qu'on est, nous, on a l'envie de continuer, de perdurer. Une entreprise qui a 2-3 ans, avant son portail classe 1, un peu moins cher, mais dans 4-5 ans, l'entreprise, ça ne sera plus là. Donc, en soi, elles s'en fichent que le client il a un portail qui dure ou pas. Donc pour moi, faut quand même faire attention sur ce point-là, parce que bah voilà, un portail c'est pas un portail, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Oui, ça s'ouvre, oui, ça se ferme, mais après si on veut avoir quelque chose qui dure, faut un petit peu plus creuser. Donc prendre le temps de faire ça revient quelques de devis, comparer, d'avoir un truc qui est tout bête dans le portail. Si vous avez pas sur votre devis le nom du portail, alors d'une bêtise, ça peut être le Loch Renan, ça peut être le nom d'une femme, ça peut être le nom d'un homme. Le portail a toujours un nom. Un nom de ville, un nom de... Ah oui. Si sur votre devis, vous n'avez pas le nom du portail, c'est que la personne qui vous l'a vend, il ne veut pas que vous recherchiez le modèle. Ah, ouais. C'est intéressant. Alors qu'il me semble que c'est une obligation légale, marque modèle, pour tout ce qu'on commercialise, nous, dans le photovoltaïque, sur chaque ligne de tout ce que l'on vend, il y a la marque et le modèle, c'est impératif. Et la raison est souvent la même, c'est que c'est du portail qui vient du Portugal. Et donc ils disent que c'est français parce qu'ils le vendent en France et ils ont une boîte aux lettres en France, il y en a plusieurs qui font ça aujourd'hui, et ils mettent français sur l'aventure ou même sur le devis, mais en fait le portail lui vient bien du Portugal. Et en fait, c'est des petites magouilles comme ça aujourd'hui qui sont pas faciles à déceler d'ailleurs. Hein, comme dans notre première partie, on n'est pas à l'abri. Voilà des comment arnaques, prendre le temps de bien identifier. Même sur le portail. Ouais, comme quoi, on est vraiment cerné par les arnaques. Hein. C'est flippant. C'est partout, c'est constant. Et, c'est vrai que c'est... Mais parce que c'est aussi un marché qui est très concurrentiel. Donc des fois, je pense que certaines personnes se permettent un peu de latitude. Et voilà, en tant que consommateur, c'est toujours le consommateur qui finit par trinquer. Quand vous avez posé votre portail et qu'il blanchit au bout de 3-4 ans, en fait, il s'est passé tellement de choses entre-temps, les gens ils vont pas dire « Attends, je vais retourner voir l'entreprise pour... » C'est trop tard. Et puis on s'habitue. C'est trop tard. Les gens sont passés à autre chose. Mmh. Mais demain, tiens, vous le disiez, vous revendez votre maison, le portail, la porte d'entrée, c'est ce qu'on voit en premier. Tu vois que le portail, il est déjà blanchi, il est un peu abîmé. Ben, ça peut donner une mauvaise image aussi à la revente. Toi, tous les jours, tu t'en rends pas forcément compte. Puis un jour, c'est ton voisin qui pose un nouveau portail. C'est ça. T'as vu, j'ai pris la même couleur que toi. Et tu te dis une petite différence là. J'ai pas retrouvé le rose de ton portail. S'informer, comparer et se faire accompagner par des professionnels identifiés et surtout, on le répète, on le martèle dans cette émission, mais des professionnels locaux, c'est important. Exactement, ça permet de faire les bons choix et en tout cas d'avoir un interlocuteur en cas de problème, hein, parce que ça peut toujours arriver. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a à cœur tous les mois de vous présenter un artisan local, parce qu'il faut savoir qu'autour de chez nous, autour de chez vous, où vous soyez, il y a toujours des artisans qui travaillent bien. Et consciencieux, ouais. Et honnête. Pour vous offrir du service. Oui. Parce que vendre un produit, c'est une chose, mais de le poser et ensuite de faire un suivi, il n'y en a plus beaucoup qui le font. Très bien. Eh bien, merci à tous les trois. Je rappelle qu'autour de cette table, aujourd'hui, nous avions Teddy et Julien, nos experts du photovoltaïque pour Triangle Autoconso. Et puis Jordan, donc chargé d'affaires dans l'entreprise de Jésus Joly, qui est basée à la Ville aux Dames. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ce showroom, notamment. Le café est très bon. C'est vrai. Nous avons du thé aussi. Merci beaucoup, bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique pour toujours mieux comprendre comment consommer autrement et préparer l'avenir de son logement. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.